jeûne est dur, je retournerai à mon cher village où la terre fertile a été ruinée par les orages, sans que les gens jamais ne se sentent abattus. Encore m'y attendait, je tiendrais ses mains tellement tendres et maigres, son large sourire épanouirait son visage sain. Ce serait dans ses bras que je m'endormirais. Le temps perdu, perdu, perdu. Si mes petites amies me revoyaient, nous bondirions, nous crierions, nous pleurerions. Notre amitié d'enfance est si profonde, alors ce serait des plaisanteries sans fin qu'on s'accorderait. Si je pouvais retrouver mon ancien amour, ce serait sans doute sa voix que j'écouterais. Je songe à lui dire mille et mille regrets. Mon ambition, ma déception, bêtise et quoi encore, mon amour. Le temps perdu, le temps perdu, perdu, perdu. La douleur, la dépression, la frustration, mais aussi la réussite, le bonheur, la passion, la consolation. J'accepterai tout, oh mes pertes et ma destinée. Le temps